grave, j'suis le grossisteur d'instrumental. À la voix, tu connais l'artiste, tu connais mon placer. N.A. de CST, mon but dans la vie, d'être productif car j'aime quand les paniqués. C'est l'arrivée de bienvenue au cœur du risque. Il a fallu de la patience pour le voir sortir de l'ombre. Ma mère, j'en suis sorti vainqueur. Préparez vos oreilles, mes slogans viennent bombarder le périphérique central. Ça vient du 2400 à la barre, c'est emblématique. Record, faites tous les scores à la boîte. Remballe cash, tu crois que je suis l'homme facile à abattre. Des bois sur mes sons que t'aimes ou pas, ça ne me dérange pas. Accueille la nouvelle fraîcheur du rap français. J'ai le niveau où qui peut me tester. Lâcher la perche, je vais baiser le chimini. C'est qui? C'est moi, N.A.B.S.T. Tu représentes quoi? Tout ce qui fait partie du 2-8. Depuis que maintenant tu rap, ça va faire plus de pis. Je vais pas lâcher la perche, je vais baiser le chimini. S'il vous plaît, je vais mettre tout le monde d'accord, hein. Dans mon clan ou dans mon rap, ne crois pas que je joue les Youva. Calcule pas mon image, mais plutôt mes sons, hein. Il paraît trop méchant, N.A.B.S.T. Tu reconnais que c'est du bon. 2009, je ressors mes jeux. Arrête ton blablabla, je suis pas sponsorisé par la tisse. Trop d'MC brise le ridicule, font les suceuses pour mes pouvoirs. De fuck avec un doigt dans le couloir. Jugement en tant qu'homme et non en tant que rappeur. J'arrive à l'heure dans le game pour faire passer une mauvaise heure. Oh, faut m'apprendre pas, c'était une info, faux man. T'as les gros matérialistes, qui à la dalle. Tu demandes encore ce qui t'a peu de temps pour le deviner. Ça fait la devinette, je vais qui boit avec un mic car c'est droit et vite. Ma devinette, c'est moi, N.A.B.S.T. Tu représentes quoi? Tout ce qui fait partie du 2-8. Depuis que maintenant tu vas, ça va faire plus de pis. J'vais pas lâcher la perche, j'vais baiser le chimini. C'est qui? C'est moi, N.A.B.S.T. Tu représentes quoi? Tout ce qui fait partie du 2-8. Depuis que maintenant tu vas, ça va faire plus de pis. J'vais pas lâcher la perche, j'vais baiser le chimini. Je suis là sur le beat dans ma scène. Donner du massif rasif, le record c'est pas dissemblable. C'est trop lucratif, des putains de phrases qui font mal. Mais c'est trop rapide, en acide forgé dans l'acide. Outrage la police par ses morages. Un des petits passe d'os qui frappe de plein fouet. Enfiler les gilets par balles pour votre sécurité. La fiche dans nos rues est trop souvent présente. Les ratures dans mon texte font la toute son élégance. Les guêpes dans les faveurs deviennent banales au banal. Et les journalistes détraquent tous en fout de la variété. Je rappe juste sur les bonnes causes, sur les bonnes pauses qui mettent tout le monde en cause. 5 des bonnes causes qui créent l'avarie sur le problème. J'aime pas les tacs avec soit thème. Et les instruments sous a toujours la voix thème. Pas d'emblème, plein de problèmes. Les injustices qu'on fait, que mon gain sans règle. De 2009, tu sais que c'est toujours pareil. Mais nique sa mère, première net telle que tout le monde saigne. C'est moi, N.A.B.S.T. Tu représentes quoi? Tout ce qui fait partie du 2-8. Depuis que maintenant tu crois, ça va faire plus de pis. J'vais pas lâcher la perche. J'vais baiser le chimini. C'est moi, N.A.B.S.T. Tu représentes quoi? Tout ce qui fait partie du 2-8. Depuis que maintenant tu crois, ça va faire plus de pis. J'vais pas lâcher la perche. J'vais baiser le chimini. C'est moi, N.A.B.S.T. N.A. de Zesty, le crasheur de musique, Cécile. C'est qui? N.A. de Zesty, de l'emblématique, tu crois pas? C'est qui? N.A. de Zesty, N.A. de Zesty.